السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah Azza wa Jal l'étude et la lecture de l'épître Les Trois Fondements. La semaine passée, nous avons clôturé l'explication du premier et du deuxième degré. Dans ce cours, nous allons mentionner le troisième degré, qui est l'excellence ou la bienfaisance. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الثلاثة المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. L'auteur du livre a dit, le troisième degré, l'excellence ou la bienfaisance, elle ne comporte qu'un seul pilier, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Le noble cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve, nous dit, l'excellence dans la langue arabe veut dire la maîtrise d'une chose. L'excellence se divise en plusieurs catégories. Il y a l'excellence qu'il y a entre le serviteur et son seigneur. Et c'est ce qui est voulu ici. Il y a l'excellence qu'il y a entre le serviteur et les gens. Et l'excellence qu'il y a dans la construction, la fabrication d'une chose ou l'accomplissement d'un travail. Alors, cette catégorie, il est obligatoire à la personne d'exceller dans ce travail ou dans son travail. Il nous dit l'excellence qu'il y a entre le serviteur et son seigneur, c'est que le serviteur parfait ses œuvres qu'Allah lui a ordonné d'accomplir. Ceci en effectuant ses œuvres sincèrement pour Allah et en conformité avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'excellence est un pilier qui a deux degrés. L'un est plus méritoire que le second. Le premier degré de ce pilier, qui est d'adorer Allah comme si tu le voyais. La personne a la certitude en Allah, comme s'il voyait son Seigneur devant lui. Dans ce degré, la personne adore Allah avec amour et désir. La personne s'oriente vers Allah et se rapproche de lui, désire sa rencontre. La personne prend plaisir dans les actes d'adoration. Voici le degré le plus haut, adorer Allah comme si tu le voyais, bien qu'Allah ne peut être vu dans ce bas monde. Mais les croyants verront leur Seigneur le jour dernier, au paradis. Allah dit à cet effet, « لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَى » À ceux qui agissent en bien et réservez la meilleure récompense et même davantage. Et même davantage a été traduit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna comme étant la vision d'Allah azza wa jal au paradis. Le deuxième degré de ce pilier est, si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Si le serviteur ne peut adorer Allah azza wa jal comme s'il le voyait, alors il adorera Allah azza wa jal en sachant qu'Allah le voit, en ayant constamment à l'esprit qu'il est surveillé par Allah. Et quoi qu'il fasse, Allah le voit. Ceci est l'adoration marquée par la crainte d'Allah, qui est un degré moindre que le premier. Quant à l'excellence ou la bienfaisance entre le serviteur et les créatures, c'est de leur faire parvenir le bien en général et de ne pas leur faire de mal. Faire le bien comme donner à manger à celui qui a faim, habiller celui qui n'a pas de vêtements, aider les voisins qui ont besoin d'aide, honorer l'invité, le voisin. Qu'il provienne de la personne ou qu'il ne provienne de la personne que le bien. Et que la personne se retienne de faire le mal. De même, les animaux et les bestiaux, il est obligatoire d'être bienfaisant envers les animaux, de ne pas leur causer le moindre mal, de ne pas les torturer, et de leur donner ce qu'ils ont besoin. Et certes, il a été rapporté dans le hadith de Abi Huraira, radiallahu anhu, dans l'authentique de Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah Azza wa Jal a pardonné à une femme prostituée du peuple de Bani Israël qui avait abreuvé un chien qui avait soif. Allah lui pardonna alors ses péchés. Comment alors avec une autre créature qu'un chien, comme le fait de donner à manger à un musulman ou même à un mécréant? Allah Azza wa Jal dit « Wa ahsinu, inna Allah yuhibbul muhsinin » et faites le bien car Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Baqara, verset 195. Il y a également l'excellence dans un travail quelconque. La personne, lorsqu'il travaille ou lorsqu'on lui confie une tâche, excelle et parfait ce travail ou cette tâche. Ensuite, l'auteur du livre a cité les preuves concernant l'excellence. Il dit والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Dans le sens, certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Sourate Les Abeilles, verset 128. Le noble Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit ce verset indique qu'Allah est avec les bienfaisants et ceux qui sont pieux. Il est avec les bienfaisants en leur donnant la victoire, en les assistant et en leur accordant la réussite. L'auteur du livre a dit ensuite وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Sourate les Poètes, versets 217 à 220. Le noble cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit ce verset est la preuve concernant le deuxième degré de la bienfaisance. Également, le noble cheikh Ubaid Al-Jabiri, le grand savant de Médine, hafidhahullah ta'ala, nous dit concernant ces versets et place ta confiance dans le Tout-Puissant et le Très Miséricordieux. Il nous dit, il y a ici l'ordre de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Également, il y a l'affirmation de deux parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant et le Très Miséricordieux. Et chaque nom comporte l'attribut de la puissance et de la miséricorde. Il nous dit, il y a également l'encouragement à la bienfaisance du fait que la personne est sous le regard d'Allah. Il y a également l'encouragement à la prière en groupe. Dans sa parole, dans la parole d'Allah, et vois tes gestes parmi ceux qui se prosternent, c'est-à-dire les prieurs. Allah les a spécifiés par la prosternation, car c'est l'acte le plus noble de la prière. Il nous dit, il y a également l'affirmation de deux de ses noms à travers sa parole, il est certes l'audient, l'omniscient. Et chacun de ces noms comporte l'attribut de celui qui entend tout et de celui qui sait tout. Et ceci implique que le serviteur garde constamment à l'esprit qu'Allah le surveille et qu'Allah connaît ses faits et gestes, entend ses paroles et voit ses actes. L'auteur dit également وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Dans le sens, tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Surat Yunus, verset 61. Le noble cheikh Ubaid Al-Jabiri, le grand savant de Médine, hafidhahullah ta'ala, nous dit concernant ce verset, la preuve de la bienfaisance dans ce verset est dans le fait qu'Allah Azza wa Jal voit et connaît les actes de ses serviteurs. Il nous dit également, comme est merveilleux ce qu'a dit le savantissime, le cheikh, عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى dans l'explication de ce verset, qui a dit: Le Très-Haut nous informe de son omniscience et de sa connaissance absolue, de toutes les circonstances des serviteurs dans leurs mouvements, et dans cela, il y a ceux qui invitent l'homme à se mettre à l'esprit qu'Allah Azza wa Jal le surveille en permanence. Allah dit, tu ne te trouveras dans aucune situation. C'est-à-dire n'importe quelle situation religieuse ou dans les affaires de ce bas monde. Allah dit, tu ne réciteras aucun passage du Coran, c'est-à-dire du Coran, c'est-à-dire tu ne liras pas du Coran qui t'a été révélé, c'est-à-dire le Coran qui t'a été révélé. Allah dit également, vous n'accomplirez aucun acte, c'est-à-dire qu'il soit petit ou grand, sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez, c'est-à-dire au moment où vous faites l'action et pendant la continuité et pendant toute la continuité de cette action. Le cheikh dit également, par conséquent, ayez constamment à l'esprit qu'Allah vous observe, et à chaque fois que vous œuvrez, accomplissez ses œuvres de la meilleure des manières, et prenez garde de faire ce qu'Allah déteste, car il vous observe et sait tout ce que vous faites. Il connaît vos apparences et vos forts intérieurs. Fin de citation. Ensuite, l'auteur du livre mentionne la preuve tirée de la sunna. Il dit la preuve de la sunna, le hadith connu de Jibril, rapporté par Omar radiallahu anhu, qui a dit « Un jour, alors que nous étions auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme vint soudainement à nous. Il avait des vêtements d'un blanc éclatant, une chevelure très noire et ne portait aucune trace visible d'un long voyage, bien que nul d'entre nous ne le connaissait. Il s'assit alors devant le prophète, puis posa les genoux contre ses genoux, ses mains sur ses cuisses et demanda « Ô Muhammad, informe-moi de ce qu'est l'islam. » Le messager d'Allah répondit « L'islam consiste à attester que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah, et que Muhammad est l'envoyé d'Allah, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et effectuer le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les moyens. » Il dit « Tu as dit vrai. » Nous fûmes alors très surpris de cette personne qui le questionne puis approuve ses réponses. Il demanda « Informe-moi de ce qu'est la foi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « C'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers au jour dernier, et de croire au destin qu'il soit bon ou mauvais. » Il dit « Tu as dit vrai. Informe-moi de ce qu'est l'excellence. » Il répondit « C'est d'adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit parfaitement. » Il dit « Informe-moi au sujet de l'heure. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « L'interroger n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. » Il demanda alors « Quels en sont les signes précurseurs ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « C'est lorsque la servante engendrera sa maîtresse et que tu verras les va-nu-pieds, les sans-vêtements, les miséreux, les simples bergers se surpasser dans l'élévation des hautes constructions. » Puis l'homme s'en alla et nous restâmes ainsi un moment. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit « Ô Omar, sais-tu qui est celui qui me questionnait ?» Je répondis « Allah et son prophète le savent mieux. » Il dit « C'est l'ange Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Après avoir cité les preuves tirées du Coran, l'auteur, rahimahullah ta'ala, cite la preuve tirée de la sunna concernant les différents degrés. Ce hadith prouve que la religion se divise en trois, l'islam, la foi et la bienfaisance. Ce hadith est également la preuve concernant les piliers de chacun de ces degrés. Nous allons nous arrêter un instant sur l'explication de ce hadith et mentionner les bénéfices de ce hadith immense à partir de l'explication du noble cheikh, le grand savant de Médine, le muhaddith Abdel Mohsin El-Abbad El-Badr, Hafizahullah Ta'ala, qui nous dit dans l'explication de ce hadith. Il mentionne avant tout la cause de la narration de ce hadith. Il nous dit « Ce hadith est le premier hadith du chapitre de la foi dans l'authentique de Muslim. Ce hadith a été relaté par Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, de son père, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. La narration de ce hadith par Abdullah ibn Omar a une histoire qui a été citée par l'imam Muslim lorsqu'il a écrit ce hadith dans son authentique. D'après Yahya ibn Ya'mur qui a dit, le premier à parler sur le destin à Bassora fut Ma'badun al-Juhani. Nous sommes partis, moi et Humayd ibn Abdirrahman, au Hajj ou à la Umrah, et nous avons dit, si seulement nous rencontrions un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander au sujet de ce que disent ces gens sur la destinée. Allah nous a facilité et nous rencontrâmes Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma à l'intérieur de la mosquée. Nous l'entourâmes et lui dit, ô Aba Abdirrahman, il a paru chez nous des gens qui lisent le Coran et autres, et ces gens prétendent qu'il n'y a pas de prédestiné et que les choses et que les affaires sont nouvelles et ne sont pas prédestinées. Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma dit alors, si tu rencontres ces gens, informe-les que je suis innocent d'eux et eux sont innocents de moi. Je jure par Allah que si l'un d'entre eux avait l'équivalent du mont Uhud en or pour le donner en aumône, Allah ne l'accepterait pas jusqu'à ce qu'il croie au destin. Ensuite, Abdullah ibn Omar dit, mon père, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, m'a raconté, et il mentionna ce hadith comme argument pour la foi au destin. Noble Cheikh Abdel Mohsin, hafizahullah ta'ala, nous dit, il y a dans cette histoire la preuve que l'innovation de l'Al-Qadariya était présente à l'époque des compagnons, comme Abdullah ibn Omar. Il y a également que les tabi'in revenaient aux compagnons du prophète dans la connaissance des affaires de la religion, et c'est ce qui est obligatoire, et c'est cela qui est obligatoire, le retour vers les gens de science à tout moment, d'après la parole d'Allah, interrogez les gens de science si vous ne connaissez pas. Que l'innovation concernant Al-Qadariya fait partie des innovations les plus mauvaises, car Abdullah ibn Omar a emprunté des mots forts à leur égard. Également, celui qui fait la fatwa, lorsqu'il donne le jugement, doit donner la preuve. Ensuite, le cheikh, hafizahullah ta'ala, nous dit, dans ce hadith, il y a la preuve que les anges viennent souvent aux êtres humains sous la forme humaine, comme ceci est rapporté dans le Coran, lorsque Jibril alayhi salam vint à Maryam sous la forme humaine, alayhi salam. De même, les anges qui sont venus à Ibrahim et l'autre, alayhi salam, sont venus sous la forme humaine. Et ceci, bien sûr, par la volonté d'Allah et sa puissance. Il nous dit également, dans la venue de Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa manière de s'asseoir auprès de lui, il y a en cela certains comportements que l'étudiant en science doit adopter lorsqu'il est avec son professeur. Il nous dit également, il convient aux questionneurs de ne pas se suffire de questionner sur des choses qu'il ignore, ou sur des choses dont il ignore le jugement. Il peut aussi questionner sur des choses dont il connaît le jugement pour que ceux qui sont présents dans l'assise profitent de la réponse. Il nous dit dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi au sujet de l'heure. Dans le hadith, informe-moi au sujet de l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, l'interrogé n'en sait pas plus que le questionneur. Le cheikh nous dit, personne ne connaît quand surviendra l'heure. Et sa connaissance n'est connue que par Allah. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, dans Surat Al-A'raf, verset 187, il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. Il nous dit dans le hadith, l'interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. C'est-à-dire que les créatures ne connaissent pas sa venue et que tout questionneur ou questionné sont égaux dans le fait qu'ils ne connaissent rien au sujet de l'heure. Dans le hadith, informe-moi quant à ces signes précurseurs. Il nous dit, hafizahullahu ta'ala, les signes se divisent en deux. Il y a les signes très proches de l'heure, juste avant l'heure, comme le lever du soleil de son coucher, la sortie du faux messie, la descente de Isa alayhi salam, et autres. Et il y a les signes qui ont, certains signes qui ont été cités, dans ce hadith. Lorsque la servante engendrera sa maîtresse. Il nous dit, il fut donné plusieurs explications à cette parole. Parmi ces explications, le fait que les gens changeront, leurs comportements changeront, la coupure des liens de l'enfant avec ses parents, le manque de respect et de considération à leur égard, jusqu'à que cela donnera l'impression que les enfants sont les maîtres des parents. Il nous dit, quant au sens de la parole, et que tu vois les va-nu-pieds, les sans-vêtements, les miséreux, les simples bergers se surpasser dans l'élévation des hautes constructions, c'est-à-dire les pauvres qui gardaient les troupeaux, qui ne trouvaient pas de quoi s'habiller, leur situation changera. Ils habiteront dans les demeures des grandes villes et se concurrenceront dans la construction des hautes demeures, et ces deux signes se sont déjà produits. Il nous dit ensuite, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, premièrement, le questionneur, comme il questionne pour apprendre, il questionne aussi pour enseigner aux autres. Il demande dans une assise à une personne de science pour que la réponse profite aux personnes présentes. Deuxièmement, les anges changent de leur état initial pour prendre la forme humaine, et ceci avec la permission d'Allah et sa puissance. Troisièmement, le comportement que l'étudiant doit avoir à l'égard de son professeur. Quatrièmement, lorsque l'islam et la foi sont cités ensemble, alors l'islam a pour sens les actes extérieurs et la foi les actes intérieurs. Cinquièmement, le fait de commencer par la chose la plus importante. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par l'attestation de foi lorsqu'il a expliqué l'islam, et il a commencé par la foi en Allah lorsqu'il a expliqué la foi. Sixièmement, les piliers de l'islam sont au nombre de 5, et les piliers de la foi au nombre de 6, et la bienfaisance, il y a un pilier pour la bienfaisance. Septièmement, la supériorité du degré de la bienfaisance au degré de la foi, et la supériorité du degré de la foi au degré de l'islam. Huitièmement, la science de l'heure n'est connue que par Allah. Neuvièmement, la mention de certains signes de l'heure. Et pour finir, celui qui est questionné et qui ne sait pas doit dire « Allah est plus savant ». Voici de façon résumée l'explication de ce hadith par le noble cheikh, le savant de Médine, Abdel Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafizahullahu ta'ala. Et ce hadith fait partie des textes fondamentaux de la religion. Sur cela, nous avons fini l'explication du deuxième fondement, qui est la connaissance de la religion à travers l'épreuve. Les degrés de la religion sont l'islam, la foi et la bienfaisance. La religion entière tourne autour de ces trois degrés. Il convient à chacun d'entre nous de les apprendre comme il se doit et d'appliquer ces différents degrés comme il se doit, ainsi que ceux qu'impliquent ces différents degrés. Nous arrêtons ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous entamerons bi'idhnillahi ta'ala l'étude du troisième fondement, qui est la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.